إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma Ba'd. Donc on est aujourd'hui au cours numéro 18 dans Sharh al-Aqidat al-Wafitiyya par l'imam de l'imam Ibn Taymiyyah expliqué par le Cheikh Salih al-Fawzan et on est arrivé aujourd'hui au chapitre qui dit qui s'intitule Ithbatul Kalam Lillahi Ta'ala. Donc le chapitre dont on parle aujourd'hui c'est Sifatul Kalam, le fait qu'on doit attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala al-kalam, al-haqiqi, la parole, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut qui fait partie des attributs de son maître et également des attributs de ses actions. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu l'attribut de parole, il a toujours eu la capacité de parler, il parle quand il veut et comme il veut et à qui il veut. Et également, yani, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est fa'alun lima yurid, il fait ce qu'il veut. Et également, il a l'attribut de al-kalam, dans le sens que ça fait partie de ses actions, dans le sens justement qu'il le fait quand il veut, selon sa volonté. Hein, c'est une attribut qui est lié à sa volonté. Quand il veut le faire, il le fait. Quand il veut pas le faire, il le fait pas. D'accord? Et c'est la même chose pour les attributs comme par exemple de al-maghfira, ou bien les attributs de al-ghadab ou al-rida, ou les attributs de al-istiwa, ou des choses comme ça, ça a rapport avec sa volonté. Maintenant, au sujet de al-kalam, il y a eu, la position des salaf, elle est claire, c'est toujours une position d'affirmation, c'est-à-dire qu'on doit affirmer cet attribut-là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque nie à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala al-kalam, il est considéré comme étant kafir, bien entendu. Et les gens qui ont nié cet attribut-là, les premiers parmi les gens de bid'ah, eh bien, on compte, par exemple, les Jahmiyyah. C'est eux en premier qui sont apparus, Jahm ibn Safwan et ceux qui les ont suivis, et qui ont nié cet attribut-là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc, les salafs les ont tous déclarés comme étant des kuffars. Ensuite, il y a eu les mu'tazila également qui ont nié cet attribut-là. Et ils ont fait une grande fitna à leur époque à propos de ça. Et ils ont même, fait emprisonner ou arrêter tous les ulamas qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et ils les ont également torturés. Et pour les forcer à admettre ou à dire que le Coran n'était pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'était créé. D'accord? Donc les imams à l'époque, ils ont eu une grande fitna avec cette question de kalamullah et à propos du Coran. Parce que, bien entendu, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, on dit que le Coran est, le Coran, en fait, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle et on dit également que le Coran c'est sa parole. Le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala réelle et qui n'est pas créée. On a expliqué plusieurs fois ce qui s'est passé à propos de ça. À l'époque de l'imam Ahmad, il y avait un des khulafa à l'époque qui était Al-Ma'mun, Ibn Harun al-Rashid. Et lui, son père, bon, Harun al-Rashid, mashallah, il respectait les ulama, il était sur la voie de Ahl-Sunnah al-Jama'a. Toutefois, son fils Al-Ma'mun, il a été influencé beaucoup par les philosophes et par la philosophie, des philosophies étrangères. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, hein, lui? Il a fait ouvert un centre, disons, pour la traduction de tous les textes grecs et autres, yani, pour les faire traduire en arabe. Les Mu'tazila, quand ils ont vu l'intérêt du Khalifa pour ces philosophies-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demander, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Mu'tazila, ils se sont concentrés sur cette chose-là. Ils se sont concentrés dans la philosophie, jusqu'à ce qu'ils deviennent très très forts dans la philosophie. Alors, ça les a permis à se rapprocher, de se rapprocher du Khalifa. Et donc, une fois qu'ils se sont rapprochés du Khalifa, eh bien le Khalifa, yani, leur a donné une position, yani, dans la société. Et en même temps, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Mu'tazila, ils en ont profité pour faire imposer, ils en ont profité pour faire imposer leur aqida et leur manhaj. Et donc, ils ont fait arrêter tous les ulama et ils ont forcé à dire que le Coran était créé. D'accord? Et que c'était pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, wa alaykum salam wa rahmatullah, il disait que ceux qui disent pas que la parole d'Allah, que le Coran s'est créé, alors sont des kuffars, yani. Donc, ils faisaient le takfir des musulmans, etc. Et il niait non seulement Al-Kalam, mais tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en particulier Al-Kalam, parce que c'était le centre de leur, disons, ils utilisaient ce point-là, puis d'autres points, et ils se concentraient sur ça pour faire les shubuhat, pour mélanger les musulmans et elles. Donc, comme on disait, l'imam Ahmad a été un des premiers imams qui a résisté à cette fitna, et qui a tenu tête au Mu'tazila, et qui n'a pas accepté de yani, répondre à leur appel. Et donc, étant donné que l'imam Ahmad était un des ulama les plus respectés de son époque, eh ben, yani, ça a fait comme une sorte de, disons, ça a inspiré tous les gens de l'époque, yani, les musulmans de l'époque, et ils étaient tous avec l'imam Ahmad en fait, parce qu'ils savaient que l'imam Ahmad défendait la sunna. Mais il ne faut pas penser que c'est seulement l'imam Ahmad qui a défendu cette position-là. Beaucoup des ulama, par exemple, qui ont tenu tête à cette fitna, ils ont été tués. Hein? Et d'autres, par exemple, qui n'ont pas été tués, eh ben, ils ont parfois, par crainte ou bien par peur de perdre leur vie, ils ont peut-être accepté ou bien ils sont tombés dans la fitna, mais contre leur gré, yani. Tandis que, alhamdulillah, l'imam Ahmad, lui, il a tenu tête. Donc, il s'est fait torturer, il s'est fait battre. Et il y a des livres qui expliquent ça en détail, qui expliquent comment se passaient les interrogations, comment se passaient les débats entre l'imam Ahmad et les Mu'tazila, et comment ils réfutaient leurs arguments à chaque fois. Donc, il y a beaucoup de récits de ça. Si vous voulez retrouver ces choses-là, vous pouvez aller voir dans les livres d'Aqida, qui sont mentionnés dans les livres. Vous allez voir que ces récits-là sont bien détaillés et bien expliqués, alhamdulillah. Par exemple, dans Sir A'lam al-Nubala, vous allez trouver la description et la biographie de l'imam Ahmad. Et également, vous allez voir dans Al-Bidaya al-Nihaya de l'imam Ibn Kathir, il parle aussi de la vie de l'imam Ahmad, etc. Donc, vous pouvez voir les détails de cette question-là là-dedans. Également, c'est pas seulement lui, parmi les imams qui ont réfuter les Mu'tazila, en fait même plus que 500 parmi les imams de Ahl-Sunnah al-Jama'a, c'est rapporté de leur part qu'ils ont déclaré les Jahmiya et tous ceux qui prennent leur position comme étant des kuffars, yani, c'est-à-dire ceux qui nient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut-là. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu les gens de Ahl-Kalam, comme par exemple Muhammad ibn Kullab et puis ceux qui ont suivi sa voie comme Abu Mansour al-Maturidi et puis Abu al-Hassan al-Ash'ari qui ont eux pris une autre voie, qui ont innové une autre bid'ah. Et yani, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont divisé la parole en deux catégories, ou en deux parties. Ils ont dit Al-Kalam, elle se divise en deux. Ils ont dit il y a Al-Kalam Al-Lafzi et Al-Kalam Al-Nafsi. Donc ils ont divisé la parole en deux. Et ils ont dit, celle qu'on affirme, on affirme Al-Kalam, yani Al-Nafsi, mais on nie Al-Kalam Al-Lafzi, ou on ne dit pas que Al-Kalam Al-Lafzi c'est la parole d'Allah, on dit que c'est seulement Al-Kalam Al-Nafsi qui est la parole d'Allah, ou bien Al-Ma'na Al-Qa'imu Bidatihi. Ok? Et donc, pour eux, ces gens-là, les Asha'ira et les Maturidiya, le Coran qu'on récite tous les jours, c'est pas la parole d'Allah pour eux. Pour eux, la parole d'Allah c'est la signification qui est en Allah subhanahu wa ta'ala, et le sens. Ou bien la parole qui est intérieure à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand ils parlent du Coran, ou quand ils parlent de la parole, ils disent que le Coran c'est al-ma'na al-qa'im bi-nafs, ou ibara al-ma'na al-qa'im bi-nafs Allah subhanahu wa ta'ala, ou bi-dati. Donc ils disent que c'est-à-dire la signification, ou une expression de la signification qui est en Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas la parole elle-même. Ou bien ils disent, yani hikaya, hikayatun anil ma'na al-qa'im bi-dhatillah. Donc c'est-à-dire un récit, ou une récitation, ou disons une histoire, quelque chose qui raconte qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc pour eux, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a pas de lettres et de voix. C'est-à-dire, on ne peut pas l'entendre. Parce que c'est à l'intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est une bid'a qu'ils ont inventée, qui n'existe pas dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans la parole des salaf salih. On ne retrouve pas cette distinction-là entre al-ma'na, ou al-kalam al-nafsi, ou al-kalam al-lafzi. Hein? Le Coran, lafzan wa ma'na huwa kalamullah. Ok? Minhu bada wa ilayhi ya'ud. Minhu bada wa ilayhi ya'ud. Et on dit que donc, tout ce qui est dans le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on va détailler ça encore en plus en détail. En premier, on va commencer à lire les paroles de Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a mentionné des versets dans le Coran qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala a premièrement l'attribut de Al-Kalam, et deuxièmement, on va lire ensuite, peut-être pas aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, les versets qui prouvent que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est pas une création comme les gens de Bid'a prétendent. Maintenant, donc comme on a dit tout à l'heure, on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la parole. Les Asha'ira, donc comme on a dit, ils prétendent qu'ils affirment Al-Kalam, ils prétendent qu'ils disent oui, on affirme que Allah parle. Le problème c'est comme on a dit tout à l'heure, ils n'affirment pas à la même façon que Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Ils affirment, comme on a dit tout à l'heure, que Allah yatakallam bila harfin wala saut. Et que, yani, c'est une kalam qui, yani, en tout cas, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, etc. C'est une définition qui est contraire à la définition d'Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Donc, on va commencer à lire, puis on va expliquer au fur et à mesure, Inch'Allah, comme ça vous allez plus comprendre, bi'ithnillah. Le cheikh, il commence, il dit, قوله تعالى, ومن أصدق من الله حديثا. Donc en premier, on va réciter les versets et expliquer qu'est-ce que ça veut dire en français. Puis après, on va expliquer l'explication du cheikh Al-Fawzan par la suite. Donc, ومن أصدق من الله حديثا, c'est le verset 87 dans Sourat An-Nisa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui est plus véridique en parole que Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus, encore c'est dans la même signification que l'autre verset qu'on a dit, ça c'est le verset 122 de Surat An-Nisa. Qui est plus véridique en parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى. Ça c'est un verset qui est dans Surat Al-Ma'ida, le verset 116. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ô Isa, Ya Isa, Ya c'est harf nida, on va le voir tout à l'heure, c'est quand tu veux appeler quelqu'un, tu dis ya quelqu'un, on va dire c'est Rushdie, ya Rushdie, pour appeler Rushdie, tu dis ya Rushdie, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, donc il s'adresse à Isa et il l'appelle. Ok, on va voir tout ça, qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure. Après, il y a un autre verset qui dit wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ça, c'est un verset dans Surat al-An'am, le verset 115. Ça veut dire, la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et justice. Ok. Wa kallama Allah Musa taklima. Ça, c'est une autre preuve. C'est le verset 164 dans Surat An-Nisa encore. Ça veut dire que, certes, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé réellement à Musa. Ok. Wa kallama Allah Musa taklima. ومنهم من كلم الله فاستمر verset منهم من كلم الله فذكر parmi les messagers il y en a à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. OK, ça c'est le verset 253 dans sourate al-Baqarah. Un autre verset qui dit ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, ça c'est le verset 143 dans sourate al-A'raf. Ça dit, et lorsque Moussa est venu à notre rendez-vous et que son Seigneur lui a parlé, kallamahu rabbuhu. Après, il mentionne une autre ayah qui dit wa nadaynahu min janib at-tur al-ayman wa qarrabnahu najiyya. Ok, ça c'est le verset 52 dans sourate Maryam, et ça a rapport avec l'histoire de Moussa, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé, hein, au bord de la montagne. Ok. Ensuite, il dit, wa iznada rabbuka Moussa, ani'ti al-qawm al-zalimin. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala appela Moïse, hein, va voir ce peuple injuste. Ou va vers ce peuple injuste. Ça, c'est le verset 10 dans Surat al-Shu'ara. Et dans un autre verset encore, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ. Ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le verset 22 de Surat Al-A'raf. Ça c'est l'histoire de Adam et sa femme, hein, lorsqu'ils ont mangé de l'arbre. Allah subhanahu wa ta'ala les appelle, il les a appelés tous les deux, hein. Leur Seigneur les a appelés et il leur dit, est-ce que je ne vous avais pas interdit à tous les deux de manger de cet arbre, hein? Ou, il y a un autre verset qu'il mentionne ici, il dit, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Ça c'est le verset 65 dans Surat Al-Qasas. Un autre verset également qui dit, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Ça c'est le verset 6 dans Surat Tawba. C'est-à-dire, et si un parmi les mouchriquins demande ta protection, alors protège-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Ok? Jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Et il mentionne un autre verset ensuite. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ. Ça c'est le verset 76 dans Surat 76 dans le Baqara. Ça dit, et un groupe parmi eux, c'est-à-dire parmi les Juifs, ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ils le déforment de son sens après l'avoir compris alors qu'ils savent. Hein. Ensuite il mentionne un autre verset qui dit يُرِدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. C'est-à-dire, ça c'est dans Surat al-Fath, le verset 15. Ils veulent changer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit, vous ne nous suivrez pas. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit auparavant. Donc ça veut dire, comme on va expliquer ça tout à l'heure, je ne vais pas l'expliquer tout de suite. الشيخ يقول واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. Récite ce qui a été révélé sur toi du livre de ton Seigneur, il n'y a pas de changement dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le verset 27 dans Sourate Al-Kahf, et le dernier verset que le chef il mentionne c'est إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. C'est le verset 65 dans Surat al-Naml. Donc on peut voir que Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est ça sa méthode. Quand il veut défendre quelque chose, quand il veut montrer quelque chose de l'aqidah de l'islam, il fait seulement mentionner les preuves dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et également dans les hadiths. Mais sauf que dans ce livre-là de Al-Wafatiyya, il a séparé les preuves du Coran des preuves des hadiths. Il a commencé par mentionner uniquement les preuves du Coran, puis une fois qu'il a terminé de mentionner les preuves au sujet de ces attributs-là, il va commencer à mentionner les preuves de la Sunna par la suite. On n'est pas encore rendu là. Donc, là, le cheikh, il mentionne donc ces versets-là. Et ça, c'est des versets clairs et qui prouvent le point que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut de parole. Si quelqu'un veut argumenter contre ces, il doit argumenter contre ces versets-là. S'il veut nier quelque chose, il doit affronter ces versets. Et comment il pourrait les affronter? Eh bien, les gens de Bid'a, leur façon, c'est d'essayer de détourner le sens. Parce que sinon, la parole est claire. Il y a trop de preuves pour montrer que Allah, il a l'attribut. Toutefois, eux, ils rentrent avec la philosophie. Pour essayer de détourner les choses, de détourner les paroles de leur sens réel. Donc la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, c'est d'affirmer les choses. On dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est tel qu'il s'est décrit lui-même, comme il s'est décrit lui-même, et on dit laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. La façon dont il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comparable avec la façon des créatures. D'accord? Et toutes les imaginations des gens de Bid'ah, c'est de là que vient leur erreur et leur égarement. Parce qu'ils essaient d'imaginer comment Allah parle. Et ça, c'est haram. On peut pas l'imaginer. Et donc, le problème, c'est qu'ils ont essayé d'imaginer le comment, le case. Et étant donné qu'ils ont essayé d'imaginer ça dans leur tête, ça les a poussés à tomber dans le ta'til, à essayer de nier l'attribut. Et donc, le fait qu'ils le nient, eh bien, ça les amène à essayer de changer le sens de cet attribut-là et de dire que la parole c'est pas une vraie parole. Eux, qu'est-ce qu'ils disent les Mu'tazila? Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas lui qui parlait à Moussa. Il a créé dans un buisson une voix et c'est ça que Moussa a entendu. Mais c'était pas Allah qui parlait. Parce que pour eux, c'est impossible que Allah parle. Donc, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé ces mots-là juste pour faire croire aux gens quelque chose qui est contraire à la réalité. D'accord? Donc ça c'est la voix des gens de Dalal. Et ça c'est la même chose pour les gens des Asha'ira, ils disent la même chose en réalité. Ok? Et là, maintenant on va expliquer, on va lire les explications du Cheikh Al-Fawzan au sujet de ces versets-là. Et on va, ça va nous aider à comprendre un peu plus encore. Cheikh dit wa qawluhu ta'ala, ومن أصدق من الله أي لا أحد أصدق منه سبحانه فهو استفهام إنكاري. C'est-à-dire, et qui est plus véridique en parole que Allah subhanahu wa ta'ala? Le chef dit, personne n'est plus véridique que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une question qui implique une négation en même temps. C'est-à-dire, c'est pour nier, en fait, que pour dire, personne ne peut être plus véridique en parole que Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithan, ay, fi hadithihi wa khabarihi wa amrihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa qawlih. C'est-à-dire que personne n'est plus véridique dans sa parole, dans ses informations, dans son commandement, dans ses promesses, dans ses menaces. Wa qawluhu, wa man asdaqu min Allahi qila. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. القيل مصدر قال كالقول أي لا أحد أصدق قولا من الله جل وعلا. Donc l'autre verset qu'on a mentionné après qui dit ومن أصدق من الله قيل. القيل c'est le مصدر de قال, c'est-à-dire le verbe de dire. Et c'est comme quand tu dis la même chose, c'est-à-dire si tu dis il n'y a personne qui est plus véridique en parole que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même signification pratiquement que le premier verset. Et le cheikh dit « والشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات الحديث والقيل لله سبحانه وتعالى ففيهما إثبات الكلام له سبحانه وتعالى. » Donc dans ces deux versets-là, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut tirer de preuve de ces deux versets-là? C'est que dedans il y a la preuve qu'on peut affirmer ces deux termes-là, al-hadith, c'est-à-dire la parole, et al-qil. Et les deux aussi, ça veut dire la même chose, la parole, mais c'est deux façons différentes de le dire. Et donc il y a en même temps dans ça l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la parole. Wa qawluhu ta'ala, وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أي اذكر إذ قال الله وجمهور المفسرين ذهب إلى أن هذا القول منه سبحانه وتعالى يكون يوم القيامة وهو توبيخ للذين عبدوا المسيح وأمه من النصارى وهي كالآيتين السابقتين فيها إثبات القول لله تعالى وأنه يقول إذا شاء. Donc le cheikh il mentionne ici et ils disent Allah subhanahu wa ta'ala il va demander à Isa au jugement dernier, est-ce que c'est vrai que toi tu as dit aux gens adorez-moi et adorez ma mère en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit dans ce verset-là, il dit wa idh qala Allah ya Isa, lorsque Allah va dire qala, il qala, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a cet attribut-là de parler, comme on a mentionné tout à l'heure. Et la plupart des mufassirin, des savants de tafsir, ils disent que cette parole-là se fera au jugement dernier. Donc quand on sera au jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à Isa devant tout le monde. Et il va lui dire, il va demander cette question-là à Isa pour humilier tous ceux qui l'ont adoré, et qui ont dévié de son message. Est-ce que c'est vrai que toi t'as dit à tous les gens, adorez-moi et adorez ma mère en dehors d'Allah? C'est-à-dire, adorez, est-ce que Isa, il aurait prétendu ça pour dire aux gens, adorez-moi et ma mère? Et donc, Isa, par la suite, il va répondre, c'est-à-dire, non, c'est pas vrai. J'ai jamais dit une chose pareille. Et si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, et moi je sais pas ce qu'il y a en toi, etc. Ça, c'est le verset dans Sourate Al-Ma'idah, le verset 116, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, dans ces deux versets-là, dans ce verset-là, il y a la même chose que dans les deux premiers versets qu'on a mentionnés, c'est-à-dire l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut. Quand il veut parler, il parle, quand il veut pas parler, il parle pas, c'est comme selon sa volonté. D'accord? Tandis que les gens de Bid'a, eux, ils s'imaginent, ils disent que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne s'arrête jamais. Et donc, si vous lisez, dans les livres des Asha'ira, si vous lisez qu'est-ce qu'ils écrivent comme bid'a, yani ça rentre dans même l'absurde. Et c'est la façon dont ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, ils parlent avec un manque de respect total à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils rentrent dans la philosophie. Et donc, ils essaient de faire des supposition ou des descriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala sans respect et sans limite. Et ils affirment et ils nient des choses à propos d'Allah sans preuve. Et ça c'est la voie des gens de bid'a. Tandis que Ahl al-Sunnah al-Jama'a, on s'arrête au texte. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ce que le texte affirme, on l'affirme. Ce que le texte nie, on le nie. On s'arrête. Pas de shubuhat, pas de fitan, pas de problème. Et comme ça, on voit que l'aqida, c'est une chose faible. Tandis qu'eux, ils ont compliqué la question. Ils ont rentré là-dedans toutes sortes d'idées et de shubuhat, en réalité, qui mettent des doutes dans leur cœur. Et la plupart des gens de Kalam, en réalité, avant leur mort, ils ont douté. Ils ont commencé à avoir des doutes. Donc la voie d'Ahl Sunnah al-Jama'a, c'est la voie qui t'éloigne de tous les fitan et toutes les shubuhat et tous les doutes. Et elle te laisse en paix dans ton cœur. Quand tu lis les livres d'Ibn Taymiyyah, tu lis la parole d'Allah, tu lis les hadiths du Prophète, il n'y a pas de problème. Mais quand tu lis leurs livres, tu dois les compter. Tu peux les compter sur tes doigts, les versets qui sont mentionnés là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas selon le Coran et la Sunna. Ils parlent juste selon qu'est-ce qu'un tel a dit, qu'est-ce qu'un tel a dit. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, que Allah nous a guidé comme ça à comprendre cette aqida directement du texte du Coran et de la Sunna. Cheikh lisait ensuite, وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا المراد بالكلمة كلامه سبحانه وقوله صدقا أي في أخباره سبحانه وعدلا أي في أحكامه وصدقا وعدلا منصوبان على التمييز وفي الآية إثبات الكلام لله تعالى. Donc le cheikh dit que le verset qui dit et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et justice, il dit la signification de ça, c'est, qu'est-ce qu'on veut dire par al-kalima ici, la parole, c'est la, en arabe, kalima, c'est un mot, mais en réalité, on parle de sa parole. C'est-à-dire, quand Allah dit kalima, c'est, ça veut dire sa parole. Et sidqan, ça veut dire quoi? C'est sa vérité. Et quand Allah dit que sa parole est vérité, c'est-à-dire les choses qu'il est, les choses au sujet desquelles il nous informe, elles sont toutes véridiques. Tandis que quand il dit adlan, ça, ça concerne ses règles et les règles qu'il nous a révélées dans sa révélation. Ahkam. Ensuite, il dit Sidqan wa Adlan, donc Minsuban al-Tamyiz. Et ça a rapport avec sa parole, c'est-à-dire que c'est pour affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la parole. Wa qawluhu wa kallama Allah Musa taklima. هذا تشريف لموسى عليه السلام بأن الله كلمه أي أسمعه كلامه ولهذا يقال له الكليم كليم الله. الشيخ الله يزيد على سبيل que Allah s'est adressé à Moussa, il lui a parlé réellement. Donc quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa, c'est quand Allah il dit qu'il s'est adressé à Moussa, c'est comme pour montrer une sorte d'honneur pour Moussa, pour dire qu'il a eu l'honneur d'entendre Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps, le fait que Allah s'est adressé à lui, c'est une honneur par rapport au reste des êtres humains qui n'ont pas eu cet honneur-là. Après le chef il dit, et donc Allah lui a fait entendre sa parole, et c'est pour ça qu'on appelle, on l'appelle Al-Kalim. Kalim Allah. Pourquoi? Parce que c'est lui à qui Allah a parlé, donc on l'appelle comme ça, c'est son nom. C'est son surnom, si on veut. وتكليم مصدر مؤكد لدفع كون التكليم مجازا. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit تكليم en arabe, ça c'est, disons, pour confirmer le fait que Allah s'est adressé à lui, et c'est pour dire qu'il s'est adressé à lui réellement, et non pas symboliquement ou disons allégoriquement comme certains pourraient prétendre parmi les gens de Bédard. ففي الآية إثبات الكلام لله وأنه كلم موسى عليه السلام. Donc il y a dans ce verset l'affirmation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a parlé à Moussa عليه السلام. وقوله منهم من كلم الله أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام من كلم الله أي أسمعه كلامه بلا واسطة موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام وكذا آدم كما ورد به الحديث في صحيح ابن حبان. ففي الآية إثبات الكلام لله تعالى وأنه كلم بعض الرسل. Donc le cheikh il dit dans le verset ومنهم من كلم الله, parmi eux, parmi les messagers, il y en a à qui Allah a parlé, le cheikh il dit que c'est-à-dire parmi les messagers comme par exemple Moïse et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah s'est adressé à eux, également Adam, comme c'est rapporté dans un hadith authentique, dans un hadith rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih. Donc il s'est adressé à ces prophètes-là sans intermédiaire, direct, il leur a parlé directement. Et donc le cheikh dit ça, c'est l'aya isbat al-kalam lillahi wa annahu kallama ba'd al-rusul. Donc on affirme que Allah a la parole, l'attribut de la parole, et qu'il a parlé à certains de ses messagers. وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا أي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي حصل مجيئه في الوقت الذي وعده الله فيه وكلمه ربه أي أسمعه كلامه من غير واسطة فالآيات فيها إثبات الكلام وأنه يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى وأنه كلم موسى عليه السلام بلا واسطة. Donc le cheikh il dit que Allah il dit dans ce verset là, et lorsque Moïse est venu à notre rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y a un moment où Moussa est venu à l'endroit où Allah lui avait donné rendez-vous, et Allah lui a parlé, il lui a fait entendre sa parole sans intermédiaire. Donc il y a dedans, comme on a dit tout à l'heure, l'affirmation de l'attribut de la parole, et qu'il parle, Allah peut parler quand il décide, et quand il veut le faire, d'accord, selon sa volonté, et que il a parlé à Moussa sans intermédiaire. وقوله وناداه وناداه وناديناه نعم وقوله تعالى وناديناه أي نادى الله تعالى موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم. والنداء هو الصوت المرتفع من جانب الطور. فذلك الله سبحانه وتعالى إذكي لأقله وناديناه لأقله. Et donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Moïse. Et qu'est-ce que ça veut dire « al-nida » Ça veut dire « appeler à haute voix ». D'accord ? Donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé Moïse avec une voix, et que Moïse l'a entendu. Contrairement aux gens de Bida qui prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala parle sans voix et sans lettres. Allez, quelque chose d'inconcevable. Et contraire au texte. Le chef il dit, ومن جانب الطور, من جانب الطور, الطور جبل بين مصر ومدين. La montagne qui s'appelle الطور, c'est une montagne qui est entre l'Égypte et Madian. C'est une montagne. Et الأيمن, أي جانب الأيمن من موسى, حين ذهب يبتغي من النار الذي رآه جذوة. وليس المراد أيمن الجبل نفسه, فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. Donc le chef il dit que جانب الطور الأيمن, c'est-à-dire الأيمن, c'est-à-dire la droite de Moïse, parce que il dit qu'en réalité la montagne n'a pas de droite, il est de gauche. Donc ça parle de la droite de Moïse. Et il dit ici que ça c'est lorsque Moïse est allé pour chercher du feu. Il est allé pour chercher un peu de feu avec une branche et tout. Et parce qu'il a vu le buisson qui était enflammé et tout, il est allé pour chercher du feu, et c'est là qu'il a entendu Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a parlé. قربناه وقربناه أي أدنيناه حتى كلمناه نجيا أي مناجيا. والمناجاة ضد المنادى, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il l'a rapproché jusqu'à ce qu'il pour lui parler, et il lui a parlé yani le contraire de al-munada, c'est al-munaja, et c'est disons à voix basse, parler à quelqu'un à voix basse, d'accord. Ensuite le cheikh dit في الآية الكريمة إثبات الكلام لله وأنه ينادي ويناجي. Dans ces deux versets là, il y a la preuve que Allah il a l'attribut de la parole, et qu'il parle à haute voix, il peut appeler quelqu'un ou il peut lui parler également à voix basse. وهما نوعان من الكلام المنادى بصوت مرتفع والمناجى بصوت غير مرتفع. Donc المناجى c'est quand on parle à haute voix, et المناجى c'est quand on parle pas à haute voix. وقوله إذ نادى ربك وإذ نادى ربك موسى. Lorsque Moïse a appelé, lorsque Allah سبحانه وتعالى a appelé موسى, وإذ نادى ربك Moussa, c'est-à-dire lorsque Allah a appelé Moussa, al-nida ou al-du'a. Al-nida dans la langue arabe c'est synonyme de al-du'a, c'est-à-dire l'appel, ok. An-ti, c'est-à-dire viens, an-yajouz, an-yajouz ou an-takuna mufassiratan ou an-takuna mustariya, ay, izhab ila al-qawm al-lazina wasafahum bil-zulm لأنهم جمعوا إلى القوم الظالمين وصفهم بالظلم لأنهم جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به أنفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم كاستعبادهم بني إسرائيل وذبح أبنائهم إلى آخر الآية الكريمة. Donc le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a appelé Moïse, et lorsque ton Seigneur a appelé Moïse, c'est-à-dire mentionne-leur, récite-leur et explique-leur l'histoire, lorsque ton Seigneur a appelé Moïse, et l'appel c'est un doua, c'est-à-dire nida c'est un doua, c'est-à-dire appeler, et Allah lui a dit quoi? Il lui a dit va voir ce peuple injuste. Va voir ce peuple injuste, et Allah les a appelés comme étant des injustes, il les a qualifiés d'injustes. Pourquoi? Parce que ils ont en même temps le kufr, c'est-à-dire que c'est un peuple kuffar, et donc ils ont fait de l'injustice à eux-mêmes, parce que les kuffars ils font de l'injustice à eux-mêmes, et également ils sont injustes du fait qu'ils font des péchés par lesquels ils font de l'injustice envers les autres. Comme par exemple de prendre les enfants d'Israël comme des esclaves et de tuer leurs enfants. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils avaient des enfants, ils tuaient les fils et ils gardaient les filles, ils laissaient vivre les filles. Hein? Ensuite, le cheikh dit « Wa fil aya al-karima, ithbatu al-kalam Allah ta'ala, wa annahu yunadi man sha' min ibadihi, wa yusmi'uhu kalama. » Dans ce verset-là, il y a la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut, et il parle quand il veut, et à qui il veut de ses serviteurs. Et il est capable d'appeler qui il veut de ses serviteurs et de lui faire entendre sa parole. Wa qawluhu, wa nadahuma rabbuhuma, alam anhakuma an tilkuma shajara, ay nada Allah subhanahu wa ta'ala, آدم وحواء عليهما السلام قائلا لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة أي عن الأكل منها وهذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لهما وتوبيخ حيث لم يحذر ما حذرهما منه. نعم طوق لشيخ ذيك الله سبحانه وتعالى إن سيأدغسي إلى أكله آدم وإيف كل سلسوة sur les deux. Et il leur a dit à tous les deux, est-ce que je ne vous avais pas interdit de manger de l'arbre, hein? C'est-à-dire de manger de cet arbre, du fruit de l'arbre. Et donc ça c'est un blâme d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'ils ne se sont pas abstenus de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit de faire. Et donc le cheikh dit, وَفِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ إِثْبَاتُ الْكَلَامِ اللَّهِ وَالنِّدَاءِ مِنْهُ لِآدَمْ وَزَوْجَتُهُ وقوله تعالى ويوم يناديهم أي ينادي الله سبحانه ينادي الله سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين يوم القيامة فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين أي ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغكم رسالاتي والشاهد من الآية إثبات الكلام لله وأنه ينادي يوم القيامة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire au jugement dernier, il va s'adresser aux mouchriquins, au jugement dernier, il va dire, qu'est-ce que vous avez répondu à vos messagers, qu'on vous avait envoyé, les prophètes et les messagers, qu'est-ce que vous avez répondu à ces gens-là lorsqu'ils vous ont transmis mon message? Et donc dans ce verset-là, il y a la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler, il va s'adresser, il va appeler les gens au jugement dernier encore une fois. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم استجارك يا محمد أي طلب جوارك وحمايتك وأمانتك فأجره أي كن له جارا ومؤمنا حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه. Donc dans ce verset là Allah سبحانه وتعالى في سورة التوبة sourate Bara'a, ok, et Allah il dit dans ce verset-là, si un parmi les mouchriquins, ceux que Allah t'a ordonné de les combattre, il vient et il te demande ta protection, alors protège-le et assure-lui la sécurité jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, ثم أبلغه مأمنا, puis par la suite, amène-le à l'endroit où il veut aller, hein, laisse-le partir à l'endroit où il veut aller. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que laisse-le, yani, garde, laisse-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, c'est-à-dire qu'il entende de toi le Coran être récité, et puis qu'il puisse réfléchir sur la réalité du message. Hein, parce que peut-être parmi eux, parmi ces mouchriquins, il y en a qui n'ont pas entendu le Coran, il y en a qui ont juste entendu parler par un intermédiaire, quelqu'un parmi les mouchriquins leur a dit, il y a un prophète qui parle de telle chose et qui dit telle affaire, mais il n'a pas entendu par lui-même la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, laisse-le jusqu'à ce qu'il entende le Coran, quand il va entendre par lui-même le Coran, il va voir c'est quoi la réalité de ton message, c'est quoi la réalité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite amène-le vers la voie où il veut aller. D'accord? Le cheikh il dit, « وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَةِ أن فيها إثبات الكلام لله تعالى وأن الذي يتلى هو كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم اليهود يسمعون كلام الله. Le cheikh dit que la preuve qu'on veut tirer dans le verset qu'on vient de mentionner au sujet des mouchriquins lorsque Allah dit jusqu'à ce qu'il entend la parole d'Allah, la preuve dans ce verset-là c'est que la parole qu'on récite, quand nous on récite le Coran, que ce soit dans la prière ou dans la mosquée, quand on lit le Coran, quand on lit dans le mushaf, la chose qu'on récite, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et le fait que ce soit nous qu'on le récite, ça ne change pas le fait que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme par exemple, si j'écris un message, ou bien je dicte à l'un de vous un message, et puis je vous demande par exemple, d'aller transmettre ce message-là à quelqu'un d'autre. Si toi par exemple tu arrives à cette personne et tu lui lis mon message, je veux que tu viennes me rejoindre à 8h à tel endroit, toi tu lui dis cette parole-là, est-ce que le fait que lui il est en train de lire ma parole, est-ce que c'est sa parole, ça devient sa parole à lui ou bien c'est ma parole à moi encore? C'est encore ma parole. Sauf que c'est Rushdi qui la lit, hein, mais ça reste quand même ma parole. Et c'est la même chose pour le Coran. La parole qu'on récite quand on lit le mushaf, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? La voix, c'est ta voix. Hein, mais la parole, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il faut comprendre, faire cette distinction. Toi, tu es seulement celui qui récite la parole, mais la parole à l'origine, elle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole par laquelle Allah s'adresse à l'humanité. Et donc, c'est la parole d'Allah. Donc, Allah, il a révélé son Coran, et ça, on va y revenir parce que c'est le prochain chapitre. Donc, c'est juste ça que le Cheikh al-Masim, ce verset-là, c'est pour nous faire comprendre que quand Allah dit hatta yasma' kalam Allah, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, dans le sens que il va entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba qui récitent le Coran, et donc il va entendre la parole d'Allah, hein. Même si c'est pas, même si c'est les sahaba ou c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le récite, ça reste quand même la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il mentionne l'autre preuve, وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ أَيْ الْيَهُودِ وَالْفَرِيقِ اسم جمع لا واحد له من لفظه يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه مع ما يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون إنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. نعم. Qu'est-ce qu'il dit ici le chef? Il dit qu'un groupe parmi eux, et ça c'est un groupe parmi les juifs, okay, ils entendaient le Coran, ils entendaient le Coran être récité, et puis ils le déforment de son sens après l'avoir entendu. Okay? Et là, en fait ici le chef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est la Torah. Donc la Torah, ça c'est la preuve que la Torah également c'est la parole d'Allah, d'accord? Et donc les ulama ils ont expliqué, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa parole. Donc la Torah c'était en hébreu, quand il parle dans la Torah il s'adresse en hébreu, et quand il parle dans le Coran il s'adresse en arabe, et quand il parle dans l'Injil il s'adresse en araméen, hein. Donc, mais tout ça c'est kalamullah, d'accord. Et après le cheikh il dit donc yuharrifunahu et yata'awalunahu, c'est-à-dire yuharrifun, il le déforme le sens, il dévie, ils font déformer le sens de la parole pour lui donner un sens autre que qu'est-ce qu'il veut réellement dire. D'accord? Ça, c'est une des caractéristiques des juifs par rapport au livre, au Coran. Que ce soit la parole d'Allah dans le Coran ou dans la Torah, dans leur propre livre à eux aussi. C'est leur méthode. Quand ils veulent suivre leur désir et leur passion, et qu'ils trouvent un verset ou quelque chose dans leur livre qui leur interdit de le faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer avec la signification pour le déformer. Pour dire, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Pour se permettre qu'est-ce qu'ils veulent faire, qui est contraire à leur désir. Ok, donc, si par exemple, parmi les musulmans, il y en a qui ont cette attitude-là, comme par exemple les gens de Bid'a, qui déforment les versets qui parlent des attributs d'Allah, hein, et ben, quand ils disent par exemple, ils lisent Ar-Rahman ala l'arshi stawa, ils disent ça veut dire stawla. Quand ils disent Yadullah fawqa aydihim, ou bien quand ils disent par exemple bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, ils disent que ça c'est sa force, al-quwa, ou bien d'autres attributs, ils font le ta'wil, ils déforment le sens réel des attributs et des versets. Donc quand des gens font ça, c'est une caractéristique des juifs en réalité. Quand ils font ça, ils imitent al-yahoud. Donc, le chef il dit, même ba'dima aqalou, c'est-à-dire, ils ne font pas cette déformation-là par ignorance, ils le font en toute connaissance, après avoir compris clairement la réelle signification du verset. C'est-à-dire, ils entendent le verset et ils l'ont très bien compris, ils savent très bien qu'est-ce que ça veut dire. Sauf que, étant donné que leur cœur est rempli d'hypocrisie ou de maladie, hein, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent aller contre. Le chef dit, فَهِمُوهُ مَعَ هَذَا وَمَعَ هَذَا يُخَالِفُونَهُ عَلَى بَصِيرَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. C'est-à-dire, ils le savent et ils font le contraire. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, si on voulait regarder parmi certains des gens de Bédard, parmi les musulmans, ou bien parmi certains qui veulent suivre leur passion, quand ils trouvent quelque chose dans l'islam, dans le Coran, qui est contraire à leur désir, ils vont essayer de le déformer pour le mettre en accord avec leur désir et leur hawa. وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُخْتِئُونَ. C'est-à-dire, ils savent qu'ils sont dans le tort quand ils font ces déformations-là et ces déviations-là. Ils le savent qu'ils n'ont pas raison, mais ils le font quand même parce qu'ils suivent leur passion. وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَةِ أن فيها إثبات الكلام لله تعالى وأن التوراة من كلامه تعالى وأن اليهود حرفوها وغيروا فيها وبدلوا. Donc le chef il dit quoi? Il dit que dans ce verset-là il y a la preuve que Allah a l'attribut de la parole et que la Torah fait partie de la parole d'Allah également et que les juifs l'ont déformé et l'ont falsifié. Hein? Ils ont changé son sens et son texte également. D'accord, il y a beaucoup de choses dans la Torah qui a été falsifiée après les messagers. Wa qawluhu ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalika qala Allah min qabl yuriduna ay al-mukhallafuna min al-a'rab alladhina ikhtaru al-maqam fi ahlihim wa shughlihim wa taraku al-masir ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hina kharaja 'am al-hudaybiyyah أن يبدلوا كلام الله أي يغيروا كلام الله الذي وعد الله به أهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر قل لن تتبعونا هذا نفي في معنى النهي أي لا تتبعونا كذلك قال الله من قبل أي وعد أهل الحديبية أن غنيمة خيبر لهم خاصة. Donc ça c'est un verset dans sourate Al-Fath et dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il parle au sujet des bédouins, parmi les bédouins, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour la bataille de Al-Hudaybiyah, ou bien, en fait c'était peut-être Al-Sulh Al-Hudaybiyah, et bien, quand ils sont sortis, eux ils sont restés chez eux, les Bédouins ils sont restés avec leur famille et ils ont continué à faire leur travail, ils n'ont pas voulu partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, étant donné qu'ils ne sont pas partis, ils n'ont pas eu la promesse, où ils ne sont pas rentrés dans ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait promis qu'ils allaient avoir une partie du butin. C'était uniquement ceux qui allaient partir pour Al-Hudaybiyah qui allaient avoir une part dans ce butin-là. D'accord? Donc, quand ils ne sont pas partis, par la suite, ils ont voulu demander une partie dans le butin de la bataille de Khaybar. Toutefois, étant donné que Allah avait déjà promis ce butin-là uniquement pour ceux qui sont parmi les gens de Al-Hudaybiyah, alors ils n'en ont pas eu part, et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il essaie de changer la parole d'Allah, c'est-à-dire il essaie de changer la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il avait promis pour les gens de Al-Hudaybiyah en particulier. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit « قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَ » dire « Oui, vous n'allez pas nous suivre. » Ok ?« كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ » c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il avait promis à Ahl al-Hudaybiyah qu'il allait avoir le butin en partie, seulement eux et non pas personne d'autre. Et le cheikh dit « وَالشَّاهِدِ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَ أَنَّ فِيهَا إِثْبَاتُ الْكَلَامِ اللَّهِ وَإِثْبَاتُ الْقَوْلِ لَهُ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتَكَلَّمُ ويقول متى شاء إذا شاء وأنه لا يجوز تبديل كلامه سبحانه بل يجب العمل به واتباعه. Donc il dit le chef qu'il y a dans ça l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de la parole, le kalam, et il a également le qawl, et que Allah subhanahu wa ta'ala il parle quand il veut, متى شاء إذا شاء, et lorsqu'il veut, et on peut pas changer sa parole, on peut pas changer sa parole, et donc c'est obligatoire d'agir en accord et de suivre sa parole. Après il dit wa qawluhu watlu ma uhiya ilayka amara Allah nabiyahu an yuwadhiba ala tilawati alkitab almuha ilayhi wal wahyi huwa al-i'lam, al-wahyi huwa al-i'lam bi sur'ati wa khafa وله كيفيات مذكورة في كتب أصول التفسير من كتاب ربك, من كتاب ربك أي بيان للذي أوحي إليه لا مبدل لكلماته أي لا مغير لها ولا محرف لها ولا مزيل لها. الشيخ يزي كالمرسك يزي رسيت ce qui a été révélé sur toi, c'est un commandement d'Allah pour son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il continue toujours à le réciter, à réciter le livre qui lui a été révélé. Et yani, al-wahi c'est quoi en arabe? C'est al-i'lam, c'est-à-dire al-wahi c'est la révélation, et en fait c'est l'information aussi, al-i'lam c'est l'information, et c'est une information rapide et cachée, yani, quelque chose qui est rapide et caché. Donc ça c'est la description en réalité de la révélation qui est faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une différente description de la révélation, comment elle est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça se retrouve dans les livres qui expliquent les fondements du tafsir. Après le cheikh dit « Wa kitab utlu ma uhiya ilayka min kitab rabbik » c'est-à-dire du livre de ton Seigneur, ça c'est pour expliquer que qu'est-ce qui est révélé? C'est le livre. La mubaddila li kalimati. Il n'y a pas rien qui peut changer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui peut le changer ou le déformer. Wa shahidu min al-aya ithbatu al-kalimat lillahi ta'ala. C'est-à-dire qu'on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas une seule parole, mais il a plusieurs paroles. Kalimat. Il a différentes paroles. Tandis que les gens de Bédah parmi les Ashara, etc., ils disent que la parole d'Allah c'est une seule parole, éternelle, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, Et donc c'est pour ça que ils ont dévié à ce sujet-là. Ils ne disent pas que la parole d'Allah c'est une attribut qui a rapport avec sa volonté. Ils disent que c'est uniquement selon, ou que ça a uniquement rapport avec son être, que c'est une attribut éternel qui est sans début, sans fin, et donc c'est pour ça qu'ils disent que la parole est une seule parole qui n'a pas de son ni de lettre. Donc en tout cas, ça c'est autre chose encore. Après, le chef il dit « وَقَوْلُهُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ وَهُمْ حَمَلَةُ التَّوْرَى وَالْإِنْجِيلِ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي عِيسَى فاليهود افترقوا في حقه والنصارى غلوا فيه فجاء القرآن بالقول الوسط الحق أنه عبد لله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Donc le cheikh il dit que Allah il dit dans le verset que ce Coran il raconte à propos de Bani Israël, c'est-à-dire ceux qui ont amené la Torah et l'Injil. Il raconte à leur sujet beaucoup de choses sur lesquelles ils ont divergé. Ils ont eu des différences entre eux à propos de beaucoup de choses. Et dans le Coran, il y a la mention de ça et la clarification de la vérité au sujet des choses sur lesquelles ils ont eu des divergences. Comme par exemple la question de Isa, alayhi salam. Les Juifs, ils ont divergé au sujet de Isa. D'accord ? Certains d'entre eux ont exagéré et d'autres ont manqué de respect envers lui. Certains ont exagéré en allant jusqu'au point de l'élever au niveau de divinité et en faire de lui comme un dieu. Et d'autres ont manqué de respect envers lui et ils l'ont insulté en disant qu'il était le fils disons qu'il était illégitime, qu'il n'avait pas eu un père légal, et qu'ils ont accusé en même temps sa mère d'avoir commis un péché. Donc dans ce sens-là, ils lui ont manqué de respect, ceux qui ont refusé de croire en lui. Tandis que nous, les musulmans, on a été guidés par le Coran à la parole qui est une parole de justice, entre les deux extrêmes. Hein? C'est-à-dire que Isa, c'est pas vrai que c'est un dieu ou un fils de dieu, ou qu'il est parti, il est une partie de Dieu, on rejette ça. Il est seulement un esclave serviteur d'Allah, créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et en même temps, on dit que, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé d'une manière miraculeuse par sa parole. Hein? Quand Allah a dit kun, fakan, il lui a dit kun, fayakun. Il lui a commandé, ordonné d'exister et il est apparu. Il a existé. D'accord? Et c'est comme ça qu'Allah peut créer qui il veut, comme il veut. D'accord? Et c'est un esprit qu'Allah a créé en Mariam, en Marie, sa mère. D'accord? Et contrairement aux chrétiens qui prétendent que c'est le Fils de Dieu. C'est pas le Fils de Dieu, c'est une créature qu'Allah a créée en cette femme. Et il n'a pas de lien de parenté avec aucune des créatures. Aucun des êtres humains. Ce n'est pas des enfants avec des femmes, des choses comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ces choses-là. Et en même temps, il y a l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam. Hein? L'exemple de Isa par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme l'exemple d'Adam. Hein? C'est-à-dire que Allah, il a créé Adam, comme les chrétiens souvent ils disent ça, qu'il est le fils de Dieu parce qu'il n'a pas de père. Toutefois, Adam, il n'a pas de père, il n'a pas de mère non plus. Hein? Donc, il a créé Adam, hein, sans père ni mère. La même chose, il a créé Isa sans père, mais avec une mère. Donc, c'est pour les réfuter et pour montrer que leur argument ne tient pas. Ce n'est pas un argument. Tu ne peux pas prouver que Isa est le fils de Dieu d'aucune façon. Et tu ne peux pas prouver non plus qu'il est Dieu, ou qu'il est une trinité ou une partie de Dieu. Et demandez-leur aux chrétiens, vous allez voir, ils ne vont pas pouvoir vous prouver quoi que ce soit de ça. Donc, ensuite, le cheikh dit « وَالشَّهِدُ مِنَ الْآيَةِ الْكَلِيمَ أَنَّ فِيهَا إِثْبَاتٌ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ لما تضمنه من الإحاطة بالكتب السابقة والحكم أو الحكم في الخلاف بين طوائف أهل الكتاب بالقسط، وهذا لا يكون إلا من عند الله. نعم. Le cheikh dit là-dedans, il y a une preuve dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et également la preuve que yani, ce Coran, il englobe tous les livres qui ont été révélés auparavant par des verdicts qui jugent entre les divergences des gens du livre en toute justice. Et ça ne peut venir excepté que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un argument en fait, et c'est même une chose qui m'a guidé à l'islam, parce que je me souviens quand je lisais un livre écrit par un juif avant d'être musulman, et ce juif là, il disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de sa naissance et de sa jeunesse, comment quand il était jeune, comment il était intelligent, comment il était brillant, et qu'il avait une grande imagination, etc. Et par la suite, il essayait de faire croire que le Coran était que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait fait lui-même. Qu'il avait pris un petit peu de la Bible et des choses comme ça, puis qu'il avait composé par lui-même. D'accord? Ça, c'est la plupart des chrétiens et des juifs, ils prétendent toujours ça. Ils accusent toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir copié du Coran, de la Bible, de l'Ancien Testament et de la Torah et de l'Injil, d'accord? Maintenant, bon, c'est sûr, moi, je n'avais pas lu le Coran, donc il fallait que je lise. C'est ce que j'ai fait. Et puis, quand j'ai lu par la suite, j'ai dit, bon, s'il a été capable d'écrire ce livre-là, c'est-à-dire qu'il a lu la Bible, ou qu'il a connu la Bible au complet, qu'il a trouvé toutes les erreurs qui étaient dedans, et puis qu'il les a toutes enlevées par lui-même, et puis qu'il a fait un livre qui était parfait, yani qui corrige toutes les erreurs de la Bible. Et ça, c'est impossible. Un être humain, par lui-même, ne peut pas faire ça. Donc il faut qu'il y ait une révélation. Il faut que ce soit une révélation. Parce que quand tu regardes juste sur la question de Isa, et tu lis les arguments qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran à propos de Isa et à propos du fait qu'il n'est pas Dieu, etc., tu vois que yani, il y a des arguments irréfutables pour les chrétiens. Et donc, yani, tu vas te demander comment ça se fait, comment il a pu, s'il n'était pas inspiré, comment il a pu amener ça par lui-même, et prouver ça par lui-même, et corriger ces affaires-là par lui-même. Il y a beaucoup d'autres choses également. D'accord? Quand tu as été familier avec la façon dont le langage est dans la Bible, et que tu lis le Coran, tu vois tout de suite la différence, que c'est pas un être humain qui peut écrire ça, et que la façon dont Allah parle de lui-même dans le Coran, c'est clair et direct. Tandis que quand tu lis dans la Bible, tu as l'impression que yani, c'est quelqu'un qui a écrit des affaires, et qui des fois il n'était pas certain, yani, il a écrit des choses, il n'était pas certain, il a mélangé du vrai et du faux dedans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contradictions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Si c'était d'un autre que Allah subhanahu wa ta'ala, vous aurez trouvé dans le livre beaucoup de contradictions. Essayez de trouver des contradictions. Hein? Et vous n'en trouvez pas. Donc, alhamdulillah, yani, ça c'est juste pour montrer que l'exemple que le cheikh ici il mentionne, c'est la vérité, hein, du fait que le Coran, il a tranché sur beaucoup de questions sur lesquelles les gens du livre ont eu des divergences, et on voit que le Coran, il tranche en toute vérité entre eux. D'accord? Et, yani, c'est juste par l'islam que ces divisions-là ou ces différences-là peuvent être, corrigées. Et que les juifs et les chrétiens peuvent se retrouver. Hein? C'est la seule façon. T'as pas vu une autre religion qui peut réunir un juif et un chrétien, et que si les deux acceptent cette religion-là, tu vois qu'ils sont en paix les uns avec les autres. Parce que ça corrige les erreurs des chrétiens, ça corrige les erreurs des juifs. Quand les juifs se convertissent, quand le chrétien se convertit, les deux, ils vont se retrouver. Sur un terrain d'entente. Parce que c'est pas, il n'y a pas un extrême, il n'y a pas l'autre extrême. Il y a beaucoup d'exemples comme ça si on retourne aux explications des ulama. Donc le cheikh il dit donc par la suite, ويستفاد من مجموع الآيات التي ساقها المؤلف إثبات الكلام لله مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما شاء ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما لأنه لم يزل ولا يزال كلاما كاملا لأنه لم يزل ولا يزال كاملا والكلام من صفات الكمال لأن الله وصف نفسه به ووصف به رسوله وسيأتي ذكر مذهب المخالفين في هذه المسألة مع الرد عليهم إن شاء الله. Donc le chef il dit on peut retirer de tous ces versets là qu'on a mentionné aujourd'hui que l'auteur a mentionné qu'on doit affirmer la parole à Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a qu'on affirme tout ce qui est prouvé par le Coran et par la Sunna, c'est-à-dire que Allah est décrit comme possédant l'attribut de la parole. Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah fait partie de ses attributs ou des attributs de sa personne qui sont en lui-même, et il s'est décrit par cet attribut-là. Et également, ça fait partie. Pourquoi ça fait partie de ses attributs, les attributs de sa personne? C'est parce que c'est un attribut qui est en lui. Il a toujours la capacité de parler quand il veut, comme il veut. D'accord? Et ça c'est à l'éternité. C'est-à-dire, il a toujours eu cet attribut-là et ça fait partie de lui. Donc, c'est comme Al-Khalq. Fait qu'il peut créer. Il peut créer quand, il avait toujours la capacité de créer à l'éternité. Sauf qu'il crée quand il veut. S'il veut créer quelque chose, il crée, s'il ne veut pas créer, il ne crée pas. C'est un rapport avec sa volonté. Et c'est ça, c'est pour ça que le cheikh il dit, et ça fait partie de donc ça fait partie des attributs de son être et des attributs de ses actions, parce que ça arrive quand il le veut. Il parle quand il veut, selon sa volonté, selon sa force et sa puissance. Et donc il parle quand il veut, comme il veut et comment il veut. Ou bien avec ce qu'il veut. Wala yazal mutakalliman, il a toujours eu la capacité de parler. Wala yazal mutakalliman, et il va toujours continuer à avoir cette capacité là de parler et à parler. Li'annahu lam yazal, et parce que pourquoi? Parce qu'il a toujours été, il restera toujours parfait. Et la parole, ça fait partie des attributs de perfection. Ça fait partie des attributs de perfection. Si tu compares une personne, tu dis lui il parle et l'autre dit lui il parle pas, lequel qui est plus complet ou parfait, c'est celui qui peut parler bien entendu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, dans le Coran, quand il parle des idoles des mouchriquins, il montre leur faiblesse et il montre le fait que ces idoles-là ne méritent pas d'être adorées par le fait qu'elles ne parlent pas. Par exemple, dans l'histoire d'Ibrahim, quand il a cassé les idoles, il a dit aux gens, demandez à la plus grande, c'est elle qui a fait ça. Et ils ont répondu, tu sais très bien qu'elle ne parle pas. Alors, Allah détruit leur argument par cette réponse-là. Et Ibrahim, il leur a répondu, il leur a dit, alors, mais pourquoi vous adorez quelque chose qui ne peut même pas vous parler et qui ne peut rien faire pour vous, Donc, c'est une preuve que celui qui n'a pas cet attribut-là de la parole, il est imparfait par rapport à celui qui possède cet attribut-là. D'accord? Et donc, il n'y a aucune imperfection du fait d'attribuer ça à Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a pas aucune raison non plus de vouloir changer cette signification-là pour essayer de la nier ou de la déformer. De la faire sortir de son sens. Ensuite, le Cheikh dit, لأن الله وصف به نفسه ووصفه به رسوله. Allah, il se l'est attribué, cet attribut-là, il s'est décrit avec cet attribut-là, pour lui-même, et dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a décrit Allah comme possédant cet attribut-là également, et ça on le trouve dans plusieurs hadiths également. Et le chef il dit que en ce qui concerne la position des gens de Bid'a qui ont dévié, qui ont opposé Ahl-Sunnah wal-Jama'a au sujet de cet attribut-là, eh bien, la réfutation de leur position va venir plus loin, parce que le Cheikh va mentionner leur position, et puis il va amener les réponses à ces positions-là, Inch'Allah, dans les chapitres qui vont suivre plus tard, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici, le temps passe vite, Subhanallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.